Avignon, mon joli coin de France, Avignon, sous ton soleil de plomb, tu es là, témoin de mon enfance, tu es là, vibrante de chansons. Ton décor est le plus beau du monde, château fort, cathédrale et vieux pont. Un cortège de murailles blondes te protège du mistral fripon, dont la douce chanson me donne des frissons. Vous mes parents, vous qui m'avez vu naître, vous mes amis qui m'avez vu grandir, ne croyez pas que le monde est mon maître, il ne peut rien contre mes souvenirs. Avignon, joyau de ma Provence, Avignon, pays de mes amours, des chansons, des romances, ma chapelle et mon joli faubourg, bien plus fort que le décor sublime, bien plus fort que le Rhône fougueux, me revient le souvenir intime des Noëls autour d'un joli feu, comme on était heureux parmi tous ces yeux bleus. Vous mes amis, frères et sœurs d'enfance, si vous pleurez quelquefois aujourd'hui, écoutez bien quand dans votre silence, auprès de vous, j'irai finir ma vie. Avignon, j'aime tes contadines, tes poètes, tes grands musiciens, baladins, gitans ou ballerines. Avignon, tu nous inspires bien. Sous ton ciel, ceux qui m'auront aimé. Avignon, lorsque je reviendrai, sous ton ciel, ceux qui m'auront aimé, pour toujours, je les retrouverai.